Moi je fais mes bye bye bye, les jaloux dans ta terre. T'inquiète, on gère nos stress, maman. Ouais, j'avoue, t'es pas taille. Dans le coffre du 4x4, contre stress, tu disparais, bye bye. J'ai Gucci au Valentino, master. J'suis grave à la mode, j'suis grave à la mode. Avec ma team, on sort au resto, master. Bienvenue sur la côte, te prends pas la tête. Lingo, lingo, lingo, lingo, bah ouais. Bah ouais. Mais dis-moi de quoi tu te mets là. Et tu parles fort, que t'es là. Je dégaine sur la mélodie.